c'est l'émission Propi Show. Tout de suite, gros freestyle, Mr. Gaiden, DJ Lumi. Synapse dans la place. Ah, écoute Propice. Ça. Propice. DJ Lumi. Gaiden. MC. C'est le son dans mon casque, papy. Yeah. Ok. MC, il est temps que tu danses. Vu tes belles sapes, la thune que tu dépenses. En soirée, je te vois te déhancher. Les meufs te kiffent, tu fais chanter le plancher. À l'époque, tu rappais dans les MJC. Aujourd'hui, t'es au max, habillé, pelé, pelé. Pull up, le coq est dans la basse cour. Le cobaye est à l'entrée du parcours. T'as mis les mêmes lunettes que Magnum. Tu fais même penser au groupie que t'es calibré. Calibré. À l'ancienne, t'aimais pas les fashion. Maintenant, tu rêves de devenir un VIP. VIP. Tu t'habilles façon Ludacris. Tu rêves de faire la une avec une actrice. Tu t'assumes pas, tu tapes le vide. Tu fais le pauvre et dis que tes sapes sont le fruit d'un bise. T'as le prix d'une voiture autour du cou. C'est débile mais les gens sont fascinés par les cons. Voilà pourquoi pas de Gaiden en soirée. Moi je m'en bats les reins, les m'en bats les boulets. Yeah, tu pries tous mes dinos. Yeah, voilà pourquoi pas de Gaiden en soirée. Let's go. Ok, propice, j'ai le mythe. C'est Gaiden, dynologie. T'as lâché 5 euros, c'est pas cher. C'est tu n'as pas voulu de moi, j'irai te chercher dans tes rêves. Aucune issue de secours, je ne connais pas la trêve. Les dinos sont dans la place, ton rap est dans l'impasse. Dynologie dans les bacs, j'ai mis ton bébé dans la classe. C'est la marche des fous, porte ouverte à l'HP. Quand on arrive en ville, tous les wack MC sont cachés. Je n'ai pas même un début de fierté. Donc, protège-moi tes arrières. Cyclable où mon école est ton enfer. La ville me rend ouf, ça fait des années qu'on m'enferme. Yeah. Pas touché une meuf depuis 16 ans. Donc, je m'en bats les que des 16 ans. Faites les méchants, arrache le sac de ta mamie. Samouraï, il va y avoir du sang sur le tatami. N'aie pas honte de hocher la tête. Un petit pédé en slim, je t'arrache la crème. Yeah! Propichon! Propichon! Ah! Dinologie, c'est je suis pas un rappeur, je suis un MC libre à toi de me faire la guerre si t'as pas saisi. Je n'ai pas le temps de me prendre la tête avec ton équipe et des marionnettes et des majorettes en pleine épée. Je débarque et le rap à niveau de m'aider. Je débarque avec ma clique, pourquoi tu fais ski? Un joint d'hydroponique et je glisse sur le beat comme un jet ski. Faudrait faire passer vos pseudo l'informatique. Parlons tes faces et mec, t'as maté petit automatique. Pas la peine de t'énerver, reste tranquille. Les amateurs sont partout, ils pensent avoir du bagou. F-L-O-W sur mon dos, pas de mystère. Puis t'as l'overie mystérique, on dit que fait la misère à pas mal de clics. C'est boum, bye bye à ton équipe sans coronesse. Ils sont tellement débiles que là je crois même pas qu'ils se reconnaissent. Si tu veux du flow, si tu veux du fan, on te veut le rap français. Surtout ne m'appelle pas, qu'elle n'arrête pas de vouloir de capoter. Yeah. Est-ce que mes dinos sont dans la place? L'émission c'est propice. DJ Lumi, Papa Noël Gang, Skyblog.com. Yeah, Dinologie. Ha, yeah, tout ça, ça fait. C'est ok, M-O-R-C-O, J-A-M-O-R-C-E, S-P-E-C-T-A, toxique et le level. Il s'exhibe de la merde, c'est exécrable. Il s'excite zigzag entre les pubs et les fans. Il te parlera de rap, de sa chronologie. Mais derrière le mic, le mec n'a pas de style. Il en fera des tonnes, emploiera des sales méthodes. Des chaînes, des bagues en métal et des sapes larges de marque. Vas-y, rap un peu, on se marre, on donne des cours le soir. Il est temps d'y faire un tour car tu n'as même pas les bases. Il fallait pas venir polluer mes tympans, 2 secondes. J'analyse, tu n'as pas de talent à la hauteur de mes talons. Si je m'enfonce dans un freestyle en ma compagnie, tu changes de. Tu rappes comme un beatmaker, t'as une dégaine de clown. Tu t'es donc trompé de terrain, il serait temps que tu bouges. Tant que t'es là, c'est que le rap est en mauvais état. Imagine que je ne parle pas la même langue que toi, je passe à l'offensive car beaucoup d'années sont passées. Je viens pas corriger les copies, le travail est bâclé. Yeah, dinologie! Je ne crois raconte ce que je vois, mais tout ce que j'ai vu, c'est des hommes en uniforme en train de prêcher la foi. Les préceptes se sont traduits à la K-47 quand ils ont tous la main sur le cœur, mais des mains sur la tête. Tout ce qu'on a vu, c'est les croisades, les génocides et les martyrs, les attentats dans l'écart, le corps des femmes sous du cachemire. On m'a dit Dieu est amour, il est miséricorde, donc j'ai pas besoin de prier, je ne suis pas le pire de la horde. Le Vatican soutient les nazis, la France n'est pas si like, le pape n'aime pas les capotes, il condamne tous les sidaïques. Que peut dire Dieu au kamikaze, au curé pédophile, au paradis, Christophe Colomb sirote un verre de cidre. Les soldats entament une prière avant de presser la gâchette. Le sexe est tabou, certaines sont obligées de jouir en cachette. On considère les suicidaires comme des lâches ou des traîtres. Ayez pitié de mon âme car elle est sale en détresse. Sinologie Guided.